Le président algérien Abdelaziz Bouteflika et le président du Congo démocratique Joseph Kabila Kabange ont fait parvenir les messages de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Les destinataires l'ont félicité chaleureusement de sa promotion au poste de président du Parti Travail de Corée et lui ont souhaité succès dans son noble travail pour le bien-être et la prospérité du peuple coréen.